de 18 à 40 ans. Je raconte mon parcours et mon histoire, qui sont simples, mais uniques, comme moi aussi. Je suis unique dans l'univers, comme tout le monde. Sans aucune prétention comme apprenti écrivain, j'essaie d'être un peu comme Pagnol, mon idole, un tout petit peu. Vous verrez. Je mêle souvenirs personnels, tendresse et authenticité. Mon style, bien que plus oral et contemporain, partage ce réalisme poétique et cette humanité profonde. Je raconte des gens simples avec respect. Je valorise les petites choses du quotidien et rends hommage à mes racines. Mon humour discret, des images frappantes et l'amour du terroir créent un lien fort avec le lecteur. Lui a écrit ses mémoires et des histoires. J'écris pour transmettre mon histoire avec sincérité et chaleur. Georges Simenon, un autre de mes idoles, écrivait dès 6 heures, café arrosé à la main, concentré sous lumière artificielle, sans relire, avec rigueur et discipline. Il préparait chaque chapitre la veille au crayon à mine. Il y en avait un lot devant lui très bien aiguisé avant de commencer sa journée. Moi, je prends des notes la nuit dans ma petite tête. Et je n'ai aucune intrigue dans mes écrits. Je débute à mon rythme dès qu'à 4 heures du matin, souvent porté par l'inspiration, le vécu, les vieux souvenirs ou ceux qui me sont revenus la nuit dernière. Je ne suis esclave d'aucune méthode, ni d'aucun style d'écriture. Je suis un homme libre. Je constate que depuis que j'ai commencé à écrire mes souvenirs, c'est comme faire subir une défragmentation à mon cerveau. La meilleure méthode pour écrire, selon moi, c'est la mienne, et le meilleur style qui me convient, c'est le mien aussi. Je reste fidèle à moi-même. De toute façon, est-ce que je peux faire autrement? Je suis fidèle aussi à ma vérité intérieure et à ma mémoire, si bien sûr ses souvenirs à elle sont restés intacts. Simenon avait son style unique et bâtissait des romans. Moi, je rebâtis ma mémoire vivante, humaine, et je raconte librement, pour la suite du monde, mes descendants. Ici s'arrête toute comparaison avec ces célèbres auteurs. Le début du vrai travail, je vous raconte les premiers 20 ans. De 1966 à la fondation de mon atelier, en 1987, avec un marteau de 2 piastres et des rêves plein la tête. Ce chapitre, c'est le récit de mes véritables débuts dans le monde du travail. Et fini les folies, je passais aux choses sérieuses. Je n'ai pas appris la vie dans les livres, même si j'adore la lecture. Il fallait aller sur le terrain avec mes vieilles bottes usées, données par mon frère et mon seul outil. Un marteau neuf de 16 onces, acheté à crédit déjà. Je voulais celui de 20 onces, mais ce n'était pas dans mes moyens ce jour-là, ni dans les moyens de mon prêteur. J'avais les poches vides. J'ai payé mon dû à mon prêteur dès ma première paye, c'est-à-dire le jeudi de la 2e semaine de travail, échangé à la taverne Turgeon, hâte d'avoir un compte à la Caisse populaire à Montréal. Ce marteau-là, à manche de bois, je l'ai encore aujourd'hui, à 77 ans. Tout a commencé en juin 1966. Dès la fin des classes au collège de Saint-Tite, avec un diplôme de secondaire 4 en poche. Grâce à mon oncle Léo, le frère de ma mère qui était surintendant de plusieurs chantiers, j'ai été embauché par Coffrage Industriel, une entreprise de Saint-Laurent. Mon premier travail, c'est au pavillon de l'Iran, suivi de la Yougoslavie, puis celui de la France. Je commençais par arracher des clous toute la journée. Le contremaître nous disait d'être sur nos gardes, car tous les hommes qui travaillaient sur le chantier de l'Expo 67 et pour creuser le métro de Montréal étaient sous les ordres du colonel Churchill. On disait qu'il visitait souvent les chantiers à l'improviste. J'ai pu vérifier ces informations plus tard et c'était bien vrai. Le colonel Edward Churchill a joué un rôle déterminant dans le succès de l'Expo 67 à Montréal. En tant que directeur des installations, il a supervisé la construction de 180 pavillons et infrastructures. Grâce à la méthode du chemin critique, il a coordonné efficacement les travaux de plus de 6000 ouvriers, permettant une réalisation dans les délais. Son leadership et ses compétences en gestion de projet ont été salués, et il a été décoré de l'Ordre du Canada pour sa contribution remarquable à cet événement historique. J'étais très fier d'avoir eu l'occasion de travailler pour un Churchill, même si je ne l'ai jamais vu même de loin, même si on passait des journées entières à le surveiller, au cas où. Le salaire moyen au Québec en 1966 était de 1 piastre de l'heure. J'avais un salaire de 1 piastre et 65 cents de l'heure. J'étais chanceux. Déjà, j'aimais tout débâtir avec mes mains, et j'étais bien payé pour ça. Moi qui ai toujours aimé débâtir tout ce que je pouvais trouver. Et j'ai attrapé la piqûre pour les structures, la mécanique et l'autonomie. Ensuite, ce fut chez General Motors à Sainte-Thérèse, puis chez Limocolor, et finalement chez Augette à Montréal-Nord. C'est là où j'ai appris à survivre dans le vacarme d'une manufacture de clous. Le propriétaire Georges Chartier m'a vendu son atelier d'usinage pour 1 piastre suite à mon départ, à cause de la vente de sa compagnie à Idéal Sécurité. Et c'est là que tout a vraiment commencé. En 1987, j'ai fondé les ateliers Bernard Jacob. Mes premiers clients Rydvik, qui deviendra Megabloc, GPR Plastique, Filtration Lab, tous m'ont permis de bâtir, d'inventer et de vivre de mon talent. J'avais dû cesser de travailler fin août sur les chantiers de construction. C'était le frère de ma mère, mon oncle Léo, qui m'avait fait entrer là pour un travail d'été. Mais il avait promis à ma mère que je ne continuerais pas après le 1er septembre, parce qu'elle tenait mordicus à ce que je retourne à l'école. Mon oncle m'a raconté lui-même, chez moi en riant, il y a 20 ans, qu'il m'avait fait travailler comme un chien, plus que les autres journaliers, car il voulait me décourager de continuer ce travail. Il avait cru que j'allais abandonner, bien avant la fin du mois d'août. En pensant que je retournerais à l'école la queue entre les deux jambes, tout penaud. Mais non, en fait, je m'étais aperçu de rien. Je faisais ce qu'on me disait de faire. Je dois avouer que les premières semaines étaient éreintantes. Jamais dans ma vie, j'avais fait une journée entière de travail. Nous étions assis à l'école toute la journée du matin au soir. Comprenez-vous? Je revenais à l'appartement tout sale, le chandail un peu taché de sang sur les épaules, causé par les gros vérins numéro 8, c'est-à-dire les plus longs et les plus lourds. Mon oncle m'a confié plus tard qu'il me faisait transporter toute la journée les grands vérins d'un endroit à l'autre, absolument pour rien. C'était pour voir ce que j'avais dans le ventre. Quand je pense à ce vieil oncle, décédé. Il y a quelques années, ça me rappelle qu'un même homme a du bon et de la malice en lui. Il lui aurait seulement fallu faire un signal à l'opérateur de la grue pour faire le même travail dans 5 minutes. J'arrivais de travailler comme un zombie fatigué à l'os. Environ 10 pas à faire encore pour finir couché en pleine face. Dès les premières minutes suivant mon arrivée, vite, vite, il est où le lit? Sans prendre le temps de manger, je dormais comme une bûche jusqu'au lendemain à 5h30, en pleine face toute la nuit sans bouger. C'était le bon temps en fait, sans aucun déjeuner non plus avant de partir. De toute façon, l'appartement ne contenait aucune nourriture. Nous étions arrivés le dimanche précédent sans rien excepté un appartement pour dormir. Les membres de la famille avaient prévu pour nous un endroit où dormir. Il faudra attendre la cantine mobile à 10 heures, avec un sandwich mou et un café instantané dans un verre de carton, et un petit gâteau vachon comme dessert bien sûr, payé avec de la monnaie empruntée un jour à l'un et un à l'autre, à mes deux frères et au La Fontaine, deux gars de notre village qui avançaient ou donnaient la monnaie, quelquefois offert par un généreux samaritain. 3 fois par jour, il fallait bien trouver de quoi payer. À la pause du matin, du midi et de l'après-midi. Le soir, je préférais aller me coucher sans manger, dans mon lit. La première paye viendra seulement dans 10 jours. La semaine précédente, j'étais arrivé à Montréal avec mon linge du dimanche et une seule paire de vêtements de travail. Première semaine, je portais le même habit de travail à tous les jours. J'avais seulement celui-là. Tout sale, sentant la sueur, beaucoup trop fatigué, pas même prendre le temps d'une douche, ni le matin ni le soir. À la guerre comme à la guerre. Envoie grouille le gros. Va-t'en travailler. J'étais brûlé d'avoir fait des 10 ou 12 heures de suite. dès la première semaine. Jamais je n'avais travaillé une journée entière jusque-là dans ma vie. Avant, c'était du bénévolat, donc plus relax. Mes vêtements, j'avais juste cela de salissable, si on peut dire. Le premier samedi, nous sommes allés, mon frère et moi, faire le premier lavage de notre vie, à presque 19 ans. La buanderie était au coin de la rue Ontario et Sicard. Puis, il avait fallu attendre quelques semaines, et surtout quelques piastres pour enfin s'acheter des nouveaux vêtements prêts à salir. C'était au magasin du 5, 10, 15 sur la rue Ontario, à l'ouest de Pinneuf. Mon oncle avait échoué dans sa tentative de découragement. Moi, me connaissant, comme on ne remet pas un oiseau libre dans une cage. Le jeune moineau que j'étais n'est jamais retourné à l'école après son premier vrai travail en juin 1966. Mon tout premier employeur, c'était Coffrage Industriel, une entreprise de Ville-Saint-Laurent spécialisée dans la fabrication de coffrages et de structures pour les grands travaux. C'est elle qui avait reçu le mandat de construire les formes de béton pour plusieurs pavillons de l'Expo 67. C'était une entreprise essentielle à la réussite de ce projet monumental. Moi, j'étais jeune, motivé et pas mal naïf aussi. J'avais les deux mains vides, mais prêtes à travailler. Mon oncle était un gars de poigne respecté sur le chantier. Il dirigeait son monde avec rigueur, mais toujours avec un bon fond. Chez Coffrage Industriel, on bossait fort. On préparait les coffrages en bois et en acier pour couler le béton des structures temporaires et permanentes de l'expo. C'était du concret, du vrai. J'ai appris à manier un marteau, à arracher des clous, à défaire les choses vite et bien. Ce n'était pas un job facile, mais c'était une école de la vie. Malgré cette première expérience, elle m'a marqué. Elle m'a donné le goût de bâtir et de débâtir, comprendre les structures, puis de croire que même un gars comme moi, parti de rien, les poches vides, avec un marteau à deux piastres à manche de bois, pouvait avoir sa place dans des projets d'envergure mondiale. Ces lieux-là ont forgé mes premiers réflexes professionnels. Observer, comprendre, bâtir, débâtir et réparer. J'ai goûté à la grosse industrie, chez General Motors à Sainte-Thérèse, une job de plomb au sens propre comme au figuré. J'y ai appris la cadence, la rigueur, la force du collectif. Beaucoup plus tard, j'ai ouvert mon atelier de conception et de fabrication de machines à Saint-Ligory. Et là, j'ai commencé à bâtir mes propres créations, des machines originales, pas des copies. Et à la fin de ce chapitre, je vous ramènerai dans mon petit atelier de campagne, là où tout était possible. On réparait autant pour aider que pour innover. Une pièce de machine de cultivateur, un boulon cassé, une patte de moto tordue. Rien ne partait à la poubelle tant que j'avais un peu de jus d'idée. Ce n'était pas toujours payant, mais c'était toujours gratifiant. Je raconte mon départ dans ma vie de travailleur. Celui d'un gars sans métier qui a choisi de bâtir, à sa manière, dans la simplicité, mais avec une efficacité que bien du monde ont reconnue. Je n'ai pas eu un parcours écrit dans les livres, mais j'ai usé mes bottes dans des vrais shops, avec des vraies machines, puis des vrais gars de métier. Voici, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous faire visiter le premier endroit où j'ai fait du travail sérieux. Je vous explique ça. C'était au pavillon de l'Iran. Il se trouvait sur l'île Notre-Dame, tout près du cœur international de l'exposition. Il faisait partie des plus élégants et des plus raffinés du secteur. Sa structure extérieure s'inspirait de l'architecture traditionnelle persane avec des arcs, des colonnes et des motifs géométriques fins, rappelant les mosquées et les palais de l'Iran ancien. C'était un bâtiment à la fois moderne et ancré dans les traditions, avec un style sobre et majestueux. À l'intérieur, on retrouvait des expositions riches en tapis persans, en miniatures anciennes, en calligraphie, et des artefacts provenant des grandes périodes de l'histoire iranienne. Il y avait aussi des objets liés à l'Iran moderne de l'époque, le développement industriel, les ressources pétrolières. C'est là, à ce pavillon, que j'ai eu mon tout premier emploi. J'y ai mis le pied dans l'univers du travail avec mes yeux pleins d'avenir, sans savoir que je bâtirais un jour plus ou moins 200 machines de mes mains. Voilà, c'est fini la visite. Qui dans tout l'univers, à part moi, se souvient d'avoir travaillé comme un esclave dans ce pavillon, à arracher des clous, parfois les jambes dans l'eau jusqu'aux fesses, les bottes pleines d'eau pendant des journées entières, des bottes qui auront le temps de sécher en fin de semaine seulement. Car il faut se souvenir que l'île Notre-Dame, c'était une île artificielle, fabriquée grâce aux travaux d'excavation pour le métro de Montréal, comme nous faisions des formes pour couler le béton. Il fallait creuser pour faire les fondations. Alors le trou se remplissait d'eau. Traversons la rue juste en face, là où nous allions arracher des clous pendant les jours de pluie. Voilà, c'était au pavillon de la France, qui est devenu aujourd'hui le casino de Montréal. C'était un des plus prestigieux et impressionnants de toute l'exposition. Il était formé de plusieurs structures aux formes géométriques nettes interreliées, avec une allure architecturale audacieuse et raffinée. L'intérieur du pavillon mettait en valeur la culture, l'innovation et le savoir-faire de la France. On y trouvait des expositions sur l'art, la littérature, la mode, la gastronomie, les sciences et la technologie. Il y avait même une section consacrée à l'espace et à l'aéronautique avec des maquettes de fusées et d'avions français. Les visiteurs pouvaient aussi goûter à la cuisine française dans un restaurant raffiné, admirer des œuvres de maîtres et découvrir les grandes avancées industrielles de l'époque. Même si j'ai peu travaillé dans ce pavillon-là, je le voyais tous les jours. Il m'impressionnait, il respirait le prestige. Et pour un gars comme moi, en début de carrière, seul avec mon marteau, comme toute richesse, ça me rappelait que même moi j'avais ma place dans un projet d'envergure mondiale. J'aimais travailler dans ce pavillon. Après celui de l'Iran, c'était un autre univers avec une énergie différente. C'est là que j'ai continué à découvrir le monde du travail, des cultures variées, et surtout à aiguiser mon œil pour les détails techniques. Chaque pavillon m'a laissé une empreinte, une leçon, un coup de cœur. J'étais jeune, solide, puis pas malvaillant. L'ambiance était électrique. Le Québec voulait montrer au monde entier ce qu'on était capable de bâtir. J'ai su rester humble quand même. Suite à mon premier été dans l'industrie de la construction, j'ai eu ensuite un court passage de 5 mois à Sainte-Thérèse, à l'usine General Motors qui avait ouvert en 1965 et produisait déjà des milliers de voitures en 1966. J'y ai travaillé de septembre 1966 jusqu'à fin janvier 1967. Le travail était difficile, longues heures debout, exposition au plomb et au solvant, bruit, chaleur, manque de sécurité. L'usine a évolué jusqu'à sa fermeture en 2002. J'habitais au 4750 Ontario à Montréal et je devais me rendre jusqu'à Sainte-Thérèse. Un parcours de 34 kilomètres, en voiture et sans transport organisé. Je prenais l'autobus coin Pie-Neuf et Ontario jusqu'au pont Pie-Neuf. Ensuite, plus aucun transport passait le pont. Alors je faisais du pouce debout sur le bord de la route. En septembre et octobre, je travaillais de jour, ça allait bien quand même. Mais à partir de novembre, après ma formation, j'ai été transféré sur le deuxième cadre travail, de 16h30 à minuit. L'hiver arrivait, et faire du pouce dans le noir et le froid, passé minuit, pour revenir chez moi, était devenu trop difficile. C'est ce qui m'a forcé à quitter ce travail, malgré tout ce que j'y avais appris. Cette expérience, bien que courte, m'a profondément marqué. Au début de février 1967, j'ai trouvé un nouveau travail chez Limocolor, le plus grand laboratoire de développement de photos au Canada. En 1968, j'ai quitté le laboratoire. J'avais soif d'aller travailler à l'extérieur au plein air, à voir le soleil enfin. Je n'étais quand même pas pour passer ma vie dans la noirceur. Je n'ai jamais pensé à l'époque de présenter mes frères et certains neveux et d'autres cousins au travail en chambre noire. Beaucoup de personnes dans ma famille, dont 2 de mes frères, et dans la grande famille élargie, plusieurs ont cette maladie incurable à date. Souvent 2 ou 3 par famille en sont atteints. La rétinite pigmentaire est transmise par des mutations génétiques héritées des parents. Elle peut se transmettre selon trois modes principaux. Autosomique dominant un seul parent porteur suffit. Autosomique récessif, les deux parents doivent être porteurs du gène ou liés au chromosome X, souvent transmis par la mère, mais touchant surtout les garçons. Ces mutations affectent les cellules photoréceptrices de la rétine, principalement les bâtonnets, entraînant une dégénérescence progressive. Les symptômes varient selon le type de transmission génétique, et un dépistage génétique peut aider à confirmer le diagnostic et à conseiller la famille. Voilà pour ceux qui ne s'en souvenaient plus d'où vient cette maladie. Je vous ramène dehors au grand air. Je suis retourné travailler sur la construction. Dans la grosse construction cette fois, dans les airs, sur les hauts gratte-ciel de Montréal. Je n'avais plus les pieds dans l'eau, mais dans les grues géantes là-haut. N'étaient plus des jeux d'enfants que je m'amusais à monter avec mon jeu de mécano. Dans les années 50 à 60, j'avais un jeu de mécano en métal jaune. Avec ces petites pièces perforées, boulons et roues, je construisais des grues, des autos et des ponts. Ce jouet m'a appris la logique, la patience et le plaisir de créer. C'est probablement ce jeu-là qui a éveillé chez moi le goût de l'invention. Chaque montage était un défi et chaque réussite une fierté de jeune constructeur. Plus tard, j'ai opéré des vraies grues, géantes celles-là, sur de vrais chantiers. J'ai appris à grimper dedans, les manœuvrer dans les airs, parfois à des dizaines de mètres de hauteur. C'est fou, mais ce jeu d'enfant m'a préparé sans le savoir à la grosse construction. J'avais commencé petit, mais j'allais voir grand. À tous les deux étages de compléter, il fallait monter la grue plus haute. Le samedi matin, nous étions trois ou quatre à grimper la grosse grue. Quel bonheur c'était pour moi de participer à ça. J'avais pris ma carte d'apprenti grutier, mais pour être honnête, passer les journées entières là-haut, sans redescendre de la journée. En plus, il fallait faire pipi dans une bouteille. Seuls les numéros 2 demandaient un arrêt temporaire de la grue, jusqu'au retour de l'opérateur qui devait descendre de la grue et en plus plusieurs étages plus bas pour trouver les bécosses. En plus, pour être totalement honnête, je dirais que j'avais un peu la chienne là-haut. Les journées de grand vent, c'est comme naviguer sur une mer agitée. Et les charges souvent trop pesantes qui te font pencher par en avant, qui te font peur de tomber en pleine face avec la grue dans un vacarme terrible. Chez l'Immocolor, c'est là que j'ai appris à comprendre les systèmes mécaniques fins, les procédés chimiques, la précision du calibrage. J'en ai appris un bout sur le contrôle qualité et la minutie. Je veux vous raconter une partie de ma vie que peu de gens ont connue et connaissent aujourd'hui. Mon travail en laboratoire photo, au temps du procédé C22. Pendant toutes ces années, j'ai appris les procédés C22, C41 pour le développement des négatifs, ensuite les procédés E4 et E6 pour le développement des positifs, c'est-à-dire pour les diapositives. Puis ensuite les procédés cibachrome et hectachrome, tout différent. C'était un monde à part, un monde d'ombre, de produits chimiques, de minutie et de magie. Le procédé C22, c'était l'ancêtre du C41. Un procédé long, complexe, qui exigeait une température constante, des temps précis et une manipulation méticuleuse. Il fallait développer des négatifs couleurs, des photos, des rouleaux de film, souvent 7 bandes de large, qui circulaient sur des systèmes à tambour ou à rail. Ces films défilaient lentement dans une suite de bains chimiques, révélateurs couleurs, bains d'arrêt, blanchiment, fixateurs, rinçage multiples. Le tout dans une chorégraphie parfaitement minutée. Je travaillais toujours en chambre noire toute la journée. Les murs étaient tachés par les éclaboussures de produits, l'air chargé d'un parfum inoubliable. Celui du révélateur chaud, du vinaigre acide des bains d'arrêt, du soufre du fixateur. C'était presque alchimique. Je me souviens du calme et du silence qui régnait dans la salle de développement, brisé seulement par le cliquetis des rouleaux, le sifflement des bains ou le claque d'un couvercle refermé. Il fallait surveiller la température au dixième de degré près. Trop chaud, le film brûlait. Trop froid, il ne développait pas. Il fallait toujours ajuster à réparer ou à tester. Rien n'était automatisé comme aujourd'hui. Tout se faisait à la main ou à l'oreille. On avait parfois des rouleaux endommagés, collés, fondus. Il fallait réagir vite. Couper, reprendre, sauver ce qu'on pouvait. On parlait peu. C'était une course contre la chimie et le temps. Les diapositives aussi passaient entre nos mains. Le procédé hectachrome avait ses propres règles. Et le moindre écart de température dans les bains rendait les couleurs fades ou instables. On comprenait vite que la photo, ce n'était pas juste l'appareil. C'était tout un monde de précision en coulisses. Je me souviens qu'un jour où je travaillais sur le procédé A4, c'est le procédé pour développer les positifs, c'est-à-dire les diapositives. Ce jour-là, j'avais développé des diapositives de 8 pouces par 10 pouces. C'était très très rare ce format. À la fin du processus, à la sortie de la machine, je vois une belle série de superbes photos d'une très belle femme. Elle était entièrement nue. J'ai appris plus tard que c'était les épreuves pour le film Valérie Aléry avec Daniel Ouimet. Une très belle femme vue dans la noirceur totale est aussi belle que n'importe laquelle dans le laboratoire à la lumière. J'ai appris à vivre dans le noir, à faire confiance à mes mains, à mes oreilles, à mon nez même. J'ai appris à détecter un fixateur trop vieux à l'odeur, une pompe déréglée au bruit, une bourre de film à la tension. J'ai appris le métier comme on apprend à respirer. C'était un savoir qui ne s'enseignait pas. Il se transmettait par l'expérience. Je me souviens encore de mes collègues de l'époque, Michel Maisonneuve, entre autres, et un autre type qui était aveugle, c'était Richard. Je travaillais avec eux dans les chambres noires. Nous avions les yeux cernés, les mains tachées, mais tous fiers de faire partie d'un métier invisible et essentiel. Ceux qui, dans le noir, révélaient la lumière. J'ai gardé des amis précieux de cette époque. Jacques Courtemanche, que j'ai connu en 1975, et Jocelyne, qui deviendra sa femme plus tard, et aussi un photographe animalier, Michel Blatchas. Puis nouveau départ. Du 20 novembre 1978 jusqu'au 30 septembre 1987. J'avais quitté ce travail la veille de mes 40 ans. J'ai travaillé chez O.G. Ouellet, dans une manufacture de clous et de vis. C'était une véritable fourmilière industrielle située à Montréal-Nord, au 3526 boulevard industriel. Je me souviens encore du numéro de téléphone 327-40-40. Le 514 et le 450 n'étaient pas encore utilisés en avant du numéro. Cette manufacture était un univers bruyant, vivant, intense. Le propriétaire, Georges Chartier, dirigeait l'entreprise d'une main ferme, toujours présent, toujours disponible, sur le plancher ou dans son bureau, à l'affût du moindre détail. Dès qu'on mettait les pieds dans l'usine, c'était le vacarme total. Des dizaines de machines à clous alignés en rang, comme des soldats de plomb, battaient la cadence sans relâche, à coups de 120 battements par minute, et dans un enfer de décibels, 120 décibels en moyenne selon le département. Entendez-vous l'enfer? Chacune avait son propre rythme, son propre son. Le sol vibrait sous nos bottes de travail et les murs semblaient résonner de cette symphonie mécanique. Un bruit infernal. Ça m'avait été utile d'apprendre le langage des signes sur la construction. On ne s'entendait plus penser, seulement le bruit du métal qu'on coupe, qu'on frappe, qu'on forme. C'était la musique quotidienne de nos journées. L'air était chargé d'odeurs d'huile de coupe, de plomb chauffé et de poussière de fer. Un temps brumeux à l'intérieur à longueur d'année tamisait les lumières. On sortait de là avec les vêtements imprégnés de cette ambiance, les narines noircies, les oreilles bourdonnantes. Il fallait s'habituer à tout ça, au bruit, à la chaleur, au risque. Le port de bouchons d'oreilles et de lunettes de sécurité était obligatoire. Mais même avec ça, on ressentait chaque vibration dans le corps. J'étais un employé parmi d'autres, mais chacun nous savait que son poste comptait. Que ce soit à l'alimentation, à la vérification des longueurs ou à l'emballage final. Tout devait rouler sans arrêt. Il n'y avait pas de place pour l'erreur. Quelques clous mal formés pouvaient bloquer toute une série de machines. Chez OG Ouellet, j'ai appris à travailler avec rigueur, à respecter les cadences, à réparer, à inventer ou réparer rapidement une machine défaillante. On devenait presque des mécaniciens de fortune, toujours en train d'ajuster, de graisser, de remplacer une pièce, de surveiller le bruit anormal d'un roulement. Même dans tout ce vacarme, mes oreilles entendaient une machine qui faussait dans la chorale. Il y en avait une ou deux qui boitaient. Heureusement, j'avais développé beaucoup mon ouïe quand j'avais travaillé en chambre noire pendant une dizaine d'années. Quand les yeux ne nous sont pas utiles dans la noirceur, l'énergie non dépensée par le cerveau est alors transférée à un autre sens, comme pour tous les non-voyants. Entendu que la vue utilise jusqu'à 50% de l'activité cérébrale. Quand elle n'est pas utilisée, ça permet une capacité de concentration extraordinaire. Fermer les yeux permet de se concentrer beaucoup plus. C'est connu de tous. Lorsqu'elle est absente, comme chez les non-voyants, le cerveau réaffecte une partie du cortex visuel au traitement auditif. Cela permet à l'ouïe de se développer davantage. Meilleure perception des sons, direction, distance et détail. La vue et l'ouïe sont donc liées dans le cerveau et la perte de l'un peut renforcer l'autre grâce à une réorganisation neuronale naturelle. Voilà mon côté éducatif qui est revenu. Dans l'usine à clous, dans le vacarme, j'entendais une machine qui ne marchait plus car elle s'était cassée une patte. Allez la voir. Je la remettais sur pied vite fait. C'était une école de métier, mais aussi une école de vie. Des gars solides, surtout Robert Baudouin, un homme brillant, débordant d'idées géniales. Un homme de métier. Un vrai machiniste, doublé d'un homme vrai, authentique, compétent, humble, qui connaissait tout. C'est lui qui m'a montré tout le métier. Le café tous les matins, le journal de Montréal toujours à portée de main. Déjà à notre poste de travail, dès 6h25, même si le travail débutait à 7h. Des beignes le vendredi au Dunkin coin Pineuf et boulevard industriel. Des blagues dans le vacarme, une solidarité forte entre les postes. C'est là que j'ai forgé une partie de mon identité de travailleur, dans ce milieu dur mais honnête, où les clous et les vis, simples mais essentiels, devenaient les produits de notre sueur quotidienne. Avec le recul, je ne connaissais absolument rien à ce moment-là. Tout ce qui me servira plus tard, c'est dans cette usine que j'ai tout appris. La mécanique, l'usinage, la fabrication de machines, les achats avec les fournisseurs. C'était un temps heureux dans mon parcours de travailleur. Je n'avais que moi à gérer. J'étais libre de développer mes idées. Point la paye était excellente, allant toujours en augmentant. Je me souviens que Monsieur Chartier m'avait dit qu'il y aurait une augmentation après 3 mois. Tous les opérateurs avaient une augmentation de 10 cents de l'heure par année. Une fois mon 3 mois complété, j'étais allé rencontrer le patron pour lui rappeler que j'étais dû pour une augmentation de salaire. Point. Il me demande combien tu aimerais avoir comme augmentation. J'ai dit une piastre. Il me répond, je vais te la donner ta piastre. Parce que tu es un maudit bonhomme, il n'y en a pas un sur 1000 comme toi. Je n'ai plus jamais avoir eu besoin de demander par la suite. Le propriétaire, Georges Chartier, avait été très reconnaissant envers moi et m'avait vendu l'atelier d'usinage au complet pour une piastre. C'était donné. Merci à cet homme généreux qui a changé le cours de ma vie. De ce travail chez OG Ouellet, je suis resté ami avec Robert Baudouin et Monsieur Chartier. Nous avons toujours gardé contact tous les trois, les deux seuls que j'ai continué à fréquenter à l'occasion. Depuis le début de mon parcours de travailleur, j'ai gardé 5 amis précieux. Aucun autre malgré tous ceux que j'ai connus depuis ces 59 dernières années. J'ai quitté la veille de mes 40 ans, le 29 septembre 1987. Ce fut le début des ateliers Bernard. Avec le temps, le passé devient parfois drôle. J'ai toujours eu un esprit plus positif que négatif. Peut-être que ça vient de mon passage chez Limocolor, dans un laboratoire d'upment de photos. vous amène dans l'autre côté du monde des affaires, celui dont on parle moins, mais que tout vrai entrepreneur connaît. Les employés en retard pour cause de diarrhée du plus jeune, et ça s'annonçait mal pour les prochains jours, les employés qui te volent du temps, ou bien dans la caisse ou du matériel dans l'atelier, les menteurs professionnels, les fournisseurs qui promettent la lune, mais livrent en retard quand ils livrent, et les clients qui refusent de payer ou te poursuivent en cours, pour gagner du temps ou de l'argent, en espérant te ruiner pour mieux te voler ton argent et ta création. Allô, les comptes payables, s'il vous plaît. Allô, bonjour, les comptes payables, s'il vous plaît. Oui, allô, bonjour, ma belle Audrey. Est-ce que mon chèque est prêt? Ah non, merci quand même. C'était ma routine à chaque fin de mois, quand la marge de crédit s'approchait de sa limite, la pauvre. Pour la protéger, j'inventais pour elle des superbes mensonges, certains incroyables. Il gobait tout le pauvre gérant. Je transmettais ses belles menteries d'affaires à celui qui s'occupait de son compte. Et oui, il y a des dîners pour hommes d'affaires dans les restaurants. Et il y a des menteries d'hommes d'affaires également. Je racontais des superbes belles menteries pour elle, à tour de bras à mon gérant de caisse. S'il avait su la vérité, le pauvre monsieur Pelletier, il aurait eu un très mauvais sommeil. Je préférais prendre ça sur mes épaules et le ménager. Je vous parlerai aussi du fameux « Ah, on n'a pas reçu la facture, et le fameux « le chèque est dans la malle ». Envoyez-la donc encore une fois la facture, et la meilleure. Mon mari a le bras cassé, il ne peut pas signer les chèques. Quand ça fait plus de 2 mois que tu attends tes chèques, et la réceptionniste qui te dit que le patron est en vacances avec la comptable pour 3 semaines encore. Elle me suggère de rappeler dans 1 mois. Tout le monde connaît le refrain. Autour de ça, il y a les agents d'assurance de toutes sortes, les notaires, ton comptable qui te volait ton argent parce qu'il voyait bien lui que ça rentrait en masse, les hostifies d'avocats véreux et têteux, les huissiers, les créanciers, les inspecteurs, les pédeleurs, qui t'ont tous tout trouvé dans ton champ sans aucune indication. Alors que tes vrais clients se perdaient dans le mauvais rang avec les explications en poche. Tous ceux que je viens d'énumérer étaient tous à ma charge. Si j'avais eu autant de vendeurs que de clients qui auraient eu besoin de mes services, je serais multimillionnaire. Et puis tous les requins qui tournent autour quand tu essaies de bâtir quelque chose. Ils flairent la moindre idée, ta moindre faiblesse. Les siphonneux d'idées, des vrais sangsues après toi, et tous les autres têteux de bambou qui te harcèlent sans arrêt pour avoir ton chèque avant demain. Je reprenais le refrain, j'ai pas reçu la facture, le chèque est parti dans la malle, je pense, non, vous ne pouvez pas venir le récupérer aujourd'hui, dommage. Ah, vous auriez dû téléphoner avant. Oui, oui, vous devriez le recevoir cette semaine, certain, certain. Et bla bla bla, et bla bla bla. Tout comme mes clients quand j'avais besoin de collecter moi aussi. Bonjour, oui, oui, attendez un peu, et la main sur le cornet, dis-lui qu'on n'a pas reçu la facture, oui, on n'a pas reçu la facture. Parfait, merci. Ou bien quand après l'insistance du patient qui voulait se faire payer, je demandais à ma femme de le rappeler pour lui dire que j'étais sorti à l'extérieur. Hein, j'ai pas compris. Oui, bonjour, monsieur, mon mari est à l'extérieur présentement. Non, je ne sais pas quand il va revenir. Oui, merci. Dès qu'il revient, oui. Promis, bonne journée. J'avais appris mes leçons. J'allais pas loin, j'étais juste à l'extérieur en écoutant ma femme lui parler. En fait, j'étais vraiment à l'extérieur. Aucune menterie là-dedans. Il faut dire la vérité. Je n'avais aucun esprit d'entrepreneur. Selon les tests, seulement 11% de capacité entrepreneuriale. Si je suis parti à mon compte, ce n'est pas grâce à un plan d'affaires. C'est grâce à Monsieur Chartier qui m'a donné des machines pour une piastre. J'ai rempli la grange de 24 pieds par 48 pieds sur les 2 étages. J'ai installé ces machines dans ma grange à Saint-Ligory. J'ai sorti les chevaux, les poules, les lapins, les chèvres et même les coqs à chair. J'ai tout vidé pour en faire un atelier. J'ai quitté OOG Ouellette la veille de mes 40 ans. Mon cadeau, c'était la liberté. Le premier hiver a été tranquille. Mais dès le printemps 1988, j'avais assez d'argent pour offrir un voyage à ma douce qui avait accompagné ses sœurs en République dominicaine. L'année suivante, toute notre famille était dans le même pays pour 2 semaines, à Chuandolio, près de San Pedro de Macorís, dans une grande villa louée pour 2 semaines pour la famille seulement. Revenons de voyage et retournons dans l'atelier. Je chargeais 26 piastres de l'heure au début, comme je coûtais à idéale sécurité. Les fermiers du coin m'amenaient tout à réparer au printemps. Le bouche à oreille a fait son chemin. Ça faisait bien l'affaire des fermiers du village qui devaient se rendre à Saint-Jacques avec leurs machines, toutes chambranlantes dans les rangs, souvent impraticables, pour se rendre dans le village voisin. On peut dire que la rue en quittant le village pour se rendre à Saint-Jacques était impraticable. Sûrement que ça m'a aidé à mes débuts cette mauvaise route. Ça devait faire l'affaire de Monsieur Robert, aussi de BR Hydraulique. Quand on sait que presque tous les cultivateurs à l'automne remisent l'équipement comme ça vient. Au printemps, tous veulent faire réparer leurs engins agricoles demain, car on annonce quelques jours de beau temps la semaine prochaine. Quand j'ai fermé mon atelier but 2005, je me suis cherché un peu. J'ai passé des tests d'orientation. Voici un résumé du rapport. Bernard Jacob, 58 ans, concepteur autodidacte, 40 ans de métier, dont 30 comme inventeur, plus de 200 machines conçues. Grand sens mécanique, manuel, logique, investigateur, artistique et réaliste. Mais très faible en dimension entreprenant. Pas de goût pour la vente, la gestion, le risque ou la direction d'équipe. Introverti, intuitif, penseur, observateur. Le test Wunderlich indique des aptitudes intellectuelles élevées. Niveau équivalent à 16 années de scolarité. Capacité à suivre des études universitaires techniques. Mes forces inventer, créer, bâtir de mes mains. Mes faiblesses, vendre, dessiner, déléguer. J'ai tout fait dans ma tête, sans jamais savoir comment dessiner un chat. Ma fille a ce talent, pas moi. Dans les dernières années, j'avais un chiffre d'affaires de plus de 300 000. J'ai tout arrêté net, de rentrer de l'argent et surtout d'en sortir. Je suis descendu du train des affaires. J'étais rendu à mon propre terminus. Heureusement, comme je n'avais plus aucun revenu, plus rien ne sortait de mes poches également. Je venais de m'enlever un énorme sac à dos sur les épaules. Plus aucun employé à payer, ni aucun fournisseur, pas de notaire, de salle, avocat, d'assurance, de prêt à payer. Plus possible au comptable de me voler non plus. J'étais à sec que me voler de plus. Vous n'allez pas me croire, mais j'ai découvert quelques années plus tard que cet incompétent de comptable voleur avait fait déposer mes 2 années de retour d'impôt dans son compte personnel. Cette fois-là, il m'a fait un chèque vite fait quand je suis allé le confronter à son bureau de Saint-Alexis. J'ai fait encadrer la copie du chèque de plus de 3 300 piastres et quelques pinotes. C'est très très très rare dans la vie que vous verrez un comptable qui fait un chèque à un client. Je me passais dorénavant de plusieurs crétins, d'usuriers Desjardins et compagnie, plus de juges pour décider de ton sort. Bye bye Miss Cowboys. Un soulagement total. En 2006 et 2007, j'ai bien vécu grâce à mon réé. En 2008, je me suis retrouvé le cul sur la paille, comme on dit. Les années suivantes, en attendant mon bon et bienvenu chèque de la pension des Tivieux. J'ai vécu très heureux pendant cette période, tout en ayant les poches vides de nouveau, comme en 1966. Je vous jure que je n'ai manqué de rien. Et pour être totalement honnête, je dois avouer que je n'avais pas pris de poids, au contraire. J'étais à la diète et à la simplicité involontaire. J'ai pris le temps de donner et surtout de recevoir, ce qui est le plus difficile dans la vie, sans demander ou très rarement aux autres, mes proches, ceux qui m'aimaient, étaient toujours présents. Mais malgré tout, j'ai nourri ma famille, bâti un atelier, fait marcher une entreprise sans en avoir l'esprit, pendant plus de 18 ans. Par défi, par orgueil surtout, parce qu'on venait me dire que c'est impossible de faire une machine pour tel ou tel besoin. Là, il y avait un beau défi. Malgré mes faiblesses, j'ai survécu à la crise financière de 1987. Il faut se souvenir que j'étais parti à mon compte le 1er octobre. Le 19 suivant, surnommé le lundi noir, les marchés boursiers mondiaux s'effondrent brutalement. Le Dow Jones perd 22,6% en une seule journée. La panique est amplifiée par les ventes automatisées. Bien que violente, cette crise ne mène pas à une récession, mais provoque des réformes de sécurité des marchés. En 2007, j'ai fondé la compagnie DESI, T, Incorporé, dont la mission était le développement d'inventions. J'étais l'administrateur et les 5 actionnaires étaient à part égale, chacun possédant 20% des actions. Mes enfants et leur mère étaient les seuls actionnaires. Malgré mes faiblesses, j'avais trouvé un investisseur intéressé à m'aider pour faire breveter des idées que j'avais en tête. Tout a bien débuté avec Invention Québec. Mais mon investisseur a subi de lourdes pertes financières suite à la crise de 2007 à 2008 qui débute avec l'effondrement du marché immobilier américain et les prêts à risque subprimes. Les banques subissent de lourdes pertes, entraînant une crise de liquidité mondiale. Le crédit se raréfie, touchant entreprises et États. Ce choc global déclenche la pire récession depuis 1929. Je voulais laisser en héritage à mes proches les redevances sur plusieurs idées de brevets que j'avais en tête. Comme on sait, un brevet rapporte pendant une période de 20 ans. Malgré cet échec, la vie est belle quand même. Et ça, c'est ma vraie médaille.